Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjack 82 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais présenter non pas 8 artistes, mais un groupe en particulier qui est Raga Sonic. Eh oui, c'est un grand groupe de reggae que je vais vous faire, que je vais présenter ou alors faire écouter pour ceux qui connaissent. Allez, commençons par la première chanson qui est Bleu, Blanc, Rouge. C'est l'une de mes chansons préférées de ce groupe. Et vous allez voir, elle est juste géniale. C'est parti les amis, tout de suite sur Fadjet, Bleu, Blanc, Rouge. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les mineurs et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un ouzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume. Pour rire dans la base d'un étang et à en embrasser les légumes. Des fois je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Raga Sonic son anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Pour que les voteurs voient que je puisse faire surface. Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos et les mines, les rebeux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font. Y'a trop de fachos, y'a trop de collabos. J'appelle tous les rebeux et les négros. Faut que l'unité soit ancrée dans notre peau. Vigré des morts, ils reviennent à la source. On pêche le micro comme des ragamorphines soldats. On ne fait pas de cadeaux. Bleu, blanc, rouge ne sont pas les couleurs de mon drapeau. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Pour que les voteurs voient que je puisse faire surface. Oh, primo, toi tu manges pas lui, c'est dégueulasse. Secondo, il y a des clochards devant le palace. Tercio, tu as le Nemo, la monnaie, tout s'efface. Quattro, de mépris, et trop de classe. Cinco, je suis métissé, ce business me lasse. Trop tard, j'ai choisi mon camp, mon rang et ma race. Nous sommes tous égaux, mais la liberté s'efface. Tous au même niveau dans le conflit des races. Les yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Eh bien voilà Mirasta, c'était Raga Sonic, Bleu, Blanc, Rouge. Allez, notre deuxième chanson est Les Riches. Vous allez voir, c'est un texte qui date un peu. Il me semble que ça date d'il y a 6 ans. Ouais, c'est même pas, il me semble, c'est j'en suis sûr. Ouais, ouais, il y a 6 ans, ouais. Ça commence un peu à faire loin tout ça quand même. Hein. Mais n'empêche que ça date il y a 6 ans, mais leur chanson est toujours d'actualité, quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir. C'est fou. C'est les riches. Tout de suite. Let's go. And now, this is the year 19-something, not starting up. As we enter inside a new dimension in sound, featuring Virago Sonic Crew, for all massive worldwide. Here it is, Maximum Weed! De plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien à changer. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. L'été il les laisse galérer, l'hiver il ramasse les corps. Moi ouais, j'ai mal à chaque fois quand je prends le métro. Oh, yo, je descends à Gare du Nord, je vois un clochard qui dort. Je descends à Bastille, je vois plein de Jean-Claude qui dit c'est la CIA. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. C'est la guerre dans la rue, les gens se tuent à coups de couteau, à coups de gueule. C'est la guerre dans la rue, à cause du chauffe se règne dans le caniveau. Une arme au poteau, c'est la guerre dans le pays, la ville sans le moisi. Tu hôtes de la vie comme la mort, le fait danser, c'est la guerre. On crache sur les cornes, le bibertri. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûtés. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Je descends à Méridivri, je vois un clochard qui dort. Je descends à Pierre Durie, je vois deux clochards qui dorment. Je descends à Port d'Italie, je vois trois clochards qui dorment. Je descends à Place d'Italie, je vois cinq clochards qui dorment. Les yeux, ouais, regarde devant toi, dis-moi si j'ai tort. Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. Yeah. Lève donc ton poing si avec tout t'es d'accord. L'été il les laisse galérer, l'hiver il ramasse les corps. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Laisse-moi t'expliquer en deux secondes ce qui me prend la tête. Yeah. Les bouffons dans les beaux quartiers avec leurs houppettes. Yeah. Leur pétasse à côté qui pour un rien se la peine. Des levats bouffés comme des porcs en en jetant par les fenêtres. Yeah. Passer devant un mendiant sans donner une cigarette. Tout ça se lâchera d'un chauvin, c'est pas correct. Yeah. Il faudra bien que tu payes dans mes sérieux sans tête. Mais ça fait une fois à poil, tu verras l'hiver, ça caille sec. Lève donc ton poing, c'est avec nous, t'es d'accord. L'été, il est l'escalère et l'hiver, il ramasse les cons. Jour après jour, année après année, des morts encore. Encore des jeunes délaissés du sud qui perdent le temps. L'hiver, il fait froid, tu te croirais au pôle Nord. Pourtant, ça les dérange pas de voir les jeunes dormir dehors. Raga Sonic sonne pour tous les quartiers, frappe plus fort. Au service de la cité, pique les marines, monte le score. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Les riches sont de plus en plus riches. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était les riches. Allez, passons à notre troisième chanson, qui est Pas me prendre pour un âne. Vous allez voir, je l'adore. Elle est super bien. Et j'espère que vous allez aimer aussi. Hein. Et j'espère que vous aimez Raga Sonic, hein, d'ailleurs. Hein. J'espère que c'est un groupe que vous appréciez. Car moi, personnellement, je dis bien personnellement, hein, tout le monde ne peut pas aimer forcément, mais moi, j'adore ce groupe, quoi. Il date un peu, mais c'est tellement de la dinguerie, ce groupe. Et là, vous allez voir la chanson Pas me prendre pour un âne, mais elle est juste au top. Elle est au top du top. Allez, let's go. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, j'ai pas une des ballons. Tu ne vas pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, j'ai pas une. Surtout ne change pas le programme. Tu respectes pas l'homme et tu ne respectes pas la femme. Tu rentres pas dans les cités de peur de te faire guébrer. Chez toi y'a pas de bande et chez toi y'a pas scar. Tu peux pas ressentir ce que ressent un jeune chez moi. Parle de ce que tu veux mais parle pas de ce que tu connais pas. Si la vie est dure, c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Je ne sais pas comment tout cela un jour finira. Well, well, faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tu crois que je vais rester assis dans mon bloc à attendre que la vie passe pendant que tu rendosses la caillasse. Mais ce ne sera pas comme dans l'impasse, plutôt comme dans l'âge des as. C'est bien fait pour ta face. Tu me laisses dans l'angoisse. Pour des caisses où je fais des casses. Mon nom c'est JR et mon quartier s'appelle Dallas. Bonjour le business, adieu la mélasse. Ce n'est pas que j'en suis fier, mais je n'ai guère le choix hélas. Faut pas me prendre pour un âne. Je ne respecte ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme, écoute ce style. Je passe une des ballons, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. L'avenir est dans tes mains, à toi de bien le gérer. Si le terrain est miné, c'est normal, c'est fait exprès. C'est fait pour que tu saches un peu plus cogiter. Entre toi et lui, devine qui est le danger. Ragasson, les gros micros, personne ne peut nous arrêter. Si tu peux nous arrêter, tu peux toujours essayer. Tu seras pas le premier et tu seras pas le dernier. Well, well. Que la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style. Je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. La capitale est dans mon milieu. D'un cercle de feu. S'il fallait le nommer, ce serait la banlieue. Si tu vis dans le 16ème, tu n'as pas de chance vieux. Quand se le descend au lieu. Pas grâce à l'exemple système. Anime si tu le veux. Si tu ne veux pas, c'est la même. T'es les bigues bonnes pour la break again. Et cultive plus. Même si je te lis, c'est du sérieux, ça fait très mire. Alors tant mieux, ça vient du cœur de la banlieue. C'est la haine des gosses, c'est la rancœur des vieux messieurs. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again, again. Faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, again, again. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je passe une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme. Et again, again. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était « Faut pas me prendre pour un âne ». Allez, notre quatrième musique est « J'entends parler ». Vous allez voir, c'est une chanson qui change un peu, mais elle est juste magnifique, cette chanson. Et j'espère que vous allez apprécier. Allez, c'est tout de suite, let's go. Passer par là, une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. Ta vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida. Qu'il est passé, passé et passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. Ta vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. C'est l'amour avec un grand âge. Je veux bien le faire tous les jours. Mais c'est qu'on rien qu'on le sida. Elle va me couper le bras. Les maîtresses et les amants qui se la donnent. Et ne faut pas que ça cesse. Mais si pour elle y avoir ma donne. Écoutez mon pote, même si personnellement tu n'aimes pas ça. Mais que les capotes, tu verras qu'une élément c'est mieux comme ça qu'il paraît. Mais que c'est propre, tu peux même les gonfler en blanc. Comme mais pour moi il y a un hic. Car je n'aime pas le top. C'est la caisse hypothépique. Quoi est-ce que tu m'as saisi? Viens trouver l'amour sans plastique. On risque d'être compromis. Mais en fait avons-nous bien compris. Le verbe aimer se conjugue. J'entends parler du sida, qu'il est passé, passé et passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. Ma vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida. allant la terreur et en osant beaucoup de vie humaine. Men, répandue sur toute la terre. Installant la terreur et en enlevant beaucoup de vie humaine. Men, certains ont attrapé le sida parce qu'ils étaient junkies. Les junkies ont besoin d'aiguilles, même si elle a déjà servi. Je suis pas un idiot, souche pas à la pedo. J'ai pas envie de mourir trop tôt. Elle s'est répandue sur toute la terre. Installant la terreur et en enlevant beaucoup de vie humaine. Men, répandue sur toute la terre. Installant la terreur et en enlevant beaucoup de vie humaine. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Au moins, il faut te protéger. Ta vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Au moins, il faut te protéger. Ta vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. C'est pas le seul, je crois qu'il est passé par ci et puis il est passé par là. Est-ce que tu comprends ça? Il rentre par devant et ne ressort pas. Est-ce que tu comprends ça? Avant d'avoir fait beaucoup de dégâts. Est-ce que tu comprends ça? Transmission contaminée dans le bras. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas de ta faute, mais la faute est sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Ce que les gens de la haute ne comprennent pas. Ce n'arrive pas que dans Philadelphia, mais ça se passe aussi en bas de chez toi. Est-ce que tu comprends ça? Raga Sonic explique ça pour toi. Jeune homme, jeune fille, protège-toi du sida. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Good boy, faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. La maladie s'est répandue sur toute la terre, installant la terreur. Men, répandu sur toute la terre, installant la terreur et en envoie beaucoup de vie humaine. J'entends parler du sida. Eh bien voilà mes Rasta, c'était J'entends parler. Allez, la prochaine chanson est Aiguise comme une lame. Ouais, et cette chanson, c'est pareil. Vous allez dire que je me répète, mais je n'ai pas le choix mes Rasta, je n'ai pas le choix. Quand je vous dis que je suis fan de ce groupe, c'est que je suis fan de ce groupe. Et le dimanche soir, un bon raga sonique, il n'y a rien de mieux. On est posé sur le canapé, sur le fauteuil, dans son lit, par terre, peu importe, avec un bon reggae. Il n'y a rien de mieux, man. Donc tout de suite, Aiguise comme une lame. Let's go! Mais puissant comme un baiser d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Chauffé comme une flamme, et puissant comme un baiser d'assaut. Mais moi je me sens aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Comme un char d'assaut, revoilà le double roi. À l'appel du premier rang, non ne cherche plus les champions du underground. Raga Sonic dégaine, un cric que bombing sur le FN avant qu'il nous faut dans la scène. C'est clair, mec, mais celle-là va lâcher cher. Qu'est-ce que tu peux faire? Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et le monde vient alors mais je dis ça va faire mal. Monsieur, donne-moi un flingue d'aigle, une bière ton mal. Ce n'est ma première regardée, je suis un animal. On vient pas dans ma cité de peur d'attraper la gale. Après on s'étonne que ces jeunes soient brutales. T'es sur la corde de rêve. La cassonique, elle a manqué déjà des dixons. Bayanik Man, t'as testé les mauvais traits. Protège ta carotide. Fais gaffe qu'on t'offre pas le bête. Les embrouilles vont vite. La situation est crise. Je me sens aiguisé comme un impuissant. Comme Charles Assaut. Toi sorties sont nulles à chier. Laisse-moi te dire, man, tes quatre vérités. Ta carrière est loin d'avoir commencé, qu'elle est déjà terminée. Aiguisé comme une lame, tranché comme un couteau. Chauffé comme une femme et péchant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, tranché comme un couteau. Chauffé comme une femme et péchant comme un fusil d'assaut. Non, pas les bas nique nique, ragasso nique nique de gaine. Et dédicace ceci à toute la famille du suprême. Non, pas les bas nique nique, ragasso nique nique de gaine. Et dédicace ceci à Joe et Starry Conchaine. Follow me the man, watch me the man again. On the big band, follow Mike and again. Je l'ai pas de perle, non, je l'ai pas de gêne. Chacun est tous les mois, tous les semaines. Follow me the man, watch me the man again. On the big band, follow Mike and again. Je l'ai pas de perle, non, je l'ai pas de gêne. Watch them, don't I miss you. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Pointé comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Et bien voilà, c'était Ragasonic Fit. Parce que j'avais oublié de vous le préciser, ça d'ailleurs. C'était avec le groupe NTM, donc Cool Chain, et surtout Joey Star. Eh bien oui, madame, et oui, monsieur, c'était Ragasonic Fit Cool Chain. Et d'ailleurs, il me semble que je m'étais trompé dans la prononciation. J'ai un doute, en fait, et c'est en écoutant la chanson que j'ai eu ce doute. Est-ce que j'ai bien prononcé le titre de la chanson? Et là, j'ai un de ces doutes. Donc, je vais le répéter, parce que ça va me gêner pendant toute la fin de l'émission. Le titre, c'est bien Aiguisé comme une lame, hein. On est bien d'accord, aiguisé comme une lame, voilà, hein. Au moins, voilà, c'est fait, voilà, comme ça, si je m'étais trompé, parce que j'ai eu un doute, comme ça, si je m'étais trompé, c'est rectifié, si je m'étais pas trompé, bah, je le répète, voilà, on est d'accord. Allez, notre prochaine chanson, et laisse le peuple, bien sûr, quand je vous dis que je m'étais trompé, j'en suis sûr que je m'étais trompé à la chanson qui vient de passer là, j'en étais sûr. Du coup, je répète. C'est dur le dimanche soir, là, j'avoue que là c'est un peu compliqué, c'est là, la fatigue se fait sentir, mais du coup le titre est « Laisse le peuple s'exprimer » et vous allez voir, c'est une dinguerie. Wow. Je n'ai pas peur des deux fois. Doucement sur pas John, je sais que tu es le meilleur singa. bien voilà, mes Rasta, c'était Laisse le peuple s'exprimer. Allez, notre dernière, notre avant-dernière chanson de Raga Sonic est Poussière d'ange. Et vous allez voir, cette chanson-là, je pense, c'est pas celle que je préfère, mais elle est sûre, c'est sûr et même certain qu'elle est dans mon top 10. Ça, c'est clair et net. Vous allez voir, c'est une folie. Non pas une dinguerie, mais bel et bien une folie. Allez, c'est parti pour Poussière d'ange. Pas de coke, pas de crack, pas d'héros, pas de coke, pas de coke, pas de crack, comme fait la main à main, pas de coke, pas de crack, pas de coke, pas de crack. Dans l'atmosphère, si. Celle de tes anges, je ne prendrai pas la poussière. J'y perdrai ou change si je me fous des ans l'air. Que l'obscurité jaillit la lumière, pas pour défoncer de mes pensées sans clair. Pas de coke, pas de crack, pas de coke, pas de crack. Fais la main à man à man, pas de coke, pas de crack, pas de gros, pas de coke, pas de coke, pas de crack. Fais la main à man. Voilà mes Rasta, c'était Poussière d'ange. Allez, notre dernière chanson est No Money, No Friend. Elle date de 1995. Oh, j'étais même pas né, quoi. Oh, c'est dingue. Hein. J'écoute des trucs qui sont même pas de mon enfance, quoi. Mais c'est normal. C'est parce que c'est les meilleures chansons, tout simplement. Et vous allez vous en rendre compte en écoutant celle-là, vous allez voir. Et c'est notre dernière chanson d'ailleurs, donc on se quittera sur No Money, No Fun. Eh oui, allez, c'est parti les amis. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Lord, si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Lord, monnaie t'as pas de friend. C'est non monnaie nos fois il faudrait que tu comprennes que dans ces monnaies bourrées si tu ne tiens pas les rênes. Tu restes soumis comme un chien ou une chienne. Tu m'as saisi c'est non monnaie no friend. Seuls des abrutis ont pu créer un tel système. Où d'un côté on aime pour la vente à la francilienne. De l'autre on voit un canard se faire pour faire par des hyènes. Quand c'est pour un cheveu les gens dans la peine. Mais ça fait si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Dis-moi, t'as pas de monnaie et où sont tes amis? Tu travailles dur le jour et tu travailles dur la nuit. T'as pas de monnaie et où sont tes amis? Tu travailles dur le jour pour assouvir tes envies. Je viens te parler des conséquences que peut te causer la monnaie à Paris, man. Compte sur toi, mais mes pistes sont déjà à la mighty. T'as différents business pour te faire de la monnaie. Ça t'amène vendre la peu d'eau tout en sachant que ça détruit. Ça t'amène vendre la cesse pour tout l'effort d'esprit. Ça t'amène vendre du chic car ça rapporte beaucoup de monnaie. Il y a des gars qui donnent leur corps à n'importe qui pour se faire de la monnaie. Il y a des femmes qui se mettent avec des monnaies man pour en tirer bon profit. Watch out. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Lord, si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Si t'aimes trop la monnaie tu ne peux pas rester franc. Si tu habites à Paris qu'il te faut de l'argent. T'habites dans la tête si tu en de vivre honnêtement. Si tu es en bandit ne tue pas tous les gens noirs ou blancs. Le billet vert te rend totalement transparent. Dans n'importe quel pays et sur n'importe quel continent. Si tu es tout petit tu peux pas devenir très grand. Il te suffit d'avoir un bon compte en Cuban. Adi et B, c'est bandit. Sur qui les camps sont vaillants bandits. À la tête il y a rien bandit. Dans tous les pays et dans tous les états. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. Lord, si t'as pas de monnaie t'as pas de friend. 95 la monnaie pourrit ton esprit. Yeah. Certaines femmes sont trop attirées par la monnaie. Elles se mettent avec des money man pour en tirer bon profit. Regarde Mike Tyson, ils l'ont mis en son prix. Yeah. À cause d'une sister qui en voulait juste pour son physique. Elle a inventé un viol tout dans le vie. Mike Tyson, tout vénère du business, dans son converti. Yeah. Tu m'as compris, si t'as pas de monnaie, t'as pas d'amis, watch out. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de monnaie, t'as pas de friend. Eh bien voilà mes Rastas, c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet pour une nouvelle émission. Là, cette fois-ci, je vous présenterai 8 artistes fabuleux comme avant. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine à toutes et à tous. Une bonne fin de soirée, excusez-moi, à tout le monde et salut tout le monde.